suis né musicien dans les sphères du soleil. Je suis Nazaréen de l'amour vermeil. J'ai vu un matin de soleil la terre parée comme une reine baguée de ciel. Terre parée comme une reine baguée.